c'est pas possible quand même de voir ça. C'est moi, moi, bah, tu penses. Non, mais c'est pas. Salut les amis. Salut Charlie. Ou alors de quoi on parle? Eh ben de la cantine, parce que c'est le drame. Ah ouais, ce midi c'est en douillette. Mais non, vous êtes idiot, de quoi on parle dans l'émission? Ah, bah ça, moi j'ai pas d'avis. Ah bah, il y a Hollande qui voyage. Bof, on s'en fout. Comment ça? C'est intéressant, il va faire 11 déplacements en une semaine. Le problème, c'est qu'à chaque fois il revient. Très bien, je vous sens concerné ce matin. Sujet 2, il y a la nourriture de synthèse. Ah, bah c'est pas mal ça, ça vous parle quand même. Non, non, enfin, si, imaginez, je sais pas moi, de l'andouillette en poudre. Non, mais on va aller au McDo, nous. Ouais, de toute façon, et là, c'est pas de la nourriture de synthèse. Non, hein. C'est de la nourriture de obèse. Ça va, donc ça vous va comme sujet? Oui, bah ça vaut autre chose. Ouais, il a raison, nous on veut bien parler de tout, il n'y a aucun problème. Bon, hein. ensuite. Eh ben, il y a un scandale par rapport au foot féminin. Non, pas le foot féminin, par contre. Non, c'est quoi ce scandale? Mais en une de l'équipe, il parle de Deschamps et pas de l'ouverture de la Coupe du Monde de foot féminin. Mais c'est normal! Non, moi, je refuse de faire de la propagande pour du football féminin. Moi aussi, le foot, c'est un sport de bonhomme. Exactement. Ah, moi, je croyais que vous étiez prêt à parler de tout. Non, il y a des limites. Oui, il y a des limites. On va pas parler de manucure pour homme non plus. Bah voilà. C'est comme ça. Je m'en fiche. C'est un excellent sujet. Ça sert à rien. Et puis d'ailleurs, on a les trois sujets. Moi, je vous laisse. Je vais à la cantine. Ouais, bah c'est ça. Débrouille-toi avec les andouillettes. Les andouillettes, ça ferait un bon nom pour l'équipe de foot féminin. Tu te calmes ou je vais te tacler l'andouillette. Bonjour la France entière, bonjour à tous, bonjour la France Inter, vous écoutez l'émission qui survole l'actualité tel un Falcon de la République. Et voici les trois informations qui vont fendre les nuages jusqu'à 18h. François Hollande effectuera 11 voyages cette semaine, une semaine qui ne compte que 7 jours, je vous le rappelle. 11 voyages de Tulle à Alger, en passant par Genève et Vitry-sur-Seine. En retard, j'ai rendez-vous quelque part, je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. C'est la fin d'Alice au pays des merveilles. On l'imagine. La Coupe du Monde de foot féminin démarre aujourd'hui pour les bleuettes. Alors l'équipe a mis une blonde à sa une. Une blonde, oui, une bouteille de croc, une pub. Et voici pourquoi. Chérie, tu remarqueras que la seule chez les Spice Girls qui est toute seule, c'est celle au look sportif. Et voilà, le steak sans viande, sans transition. Le steak sans viande pourrait être une solution pour nourrir la planète. C'est ce qu'on appelle l'innovation alimentaire. C'est chercher loin, parce que moi j'ai une fois vu Alex Vizorek cuisiner, c'était aussi de l'innovation alimentaire. C'est vraiment dégueulasse. Néanmoins, il m'accompagne chaque jour. Il est pour moi ce que les haricots sont au navarin d'agneau. Un accompagnement, mais absolument fidèle et indispensable. Alex Vizorek. Oui, donc vous taclez l'andouillette, vous. C'est bon à savoir. Aujourd'hui, autour de la table, grosse équipe à 17h20, celle qui a la science infuse. Enfin, c'est plutôt celle qui laisse infuser la science et qui après nous la livre. Et puis c'est nous qui infusons, parfois trop. Bonjour Nicole Ferroni. Bonjour Monsieur Vizorek. De quoi on va parler? Aujourd'hui, nous parlerons de cigales. J'ai pas de rime qui va avec. Si vous prenez à VDB la méthode du jingle, on est foutu. À 17h30, notre docteur en rhétorique, il va à la rencontre des autres avec toujours ce souci du dialogue. Car soit les gens ne sont pas d'accord avec lui et il ne les écoute pas, préférant son avis. Soit les gens sont d'accord avec lui et il ne les écoute pas, préférant sa formulation. C'est Guillaume Meurice. C'est bien résumé. Oui, bonjour Alex. Bonjour Charline. Alors moi, je suis allé aujourd'hui au grand salon de l'APEC, le salon de recrutement des cadres. Alors vous allez me dire, bah dis donc, on va bien se marrer. Mais oui, parce que figurez-vous que certaines entreprises attirent les cadres avec des carambars. Non, c'est pas qu'on les attire avec des carambars, c'est question de mettre un petit peu de vie sur le salon. Bouh, de la vie avec des carambars. Et à 17h40, celle qui demain sera honorée du prix Maurice Genevoix. Pour son roman Le Roi disait que j'étais diable, eh bien je lui décerne moi aussi le prix Alex Vizorek pour son assiduité dans l'exercice Mon prétendant disait que j'étais le diable. Bonjour Clara Dupont-Menot. Bonjour Alex. Comment va le diable? Il va très bien. Et hier soir, les candidats de l'amour et dans le pré ont ouvert les lettres de leurs prétendantes, justement. Oui. Donc focus sur une correspondance brûlante éditée ces jours-ci. Allez, interpellez-nous sur Twitter pendant l'émission avec le hashtag AnnuleTout et devenez notre ami imaginaire sur Facebook parce qu'on aime liker. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous Giscard. Vous lancez votre premier tube, Un Café, en 2006. C'est l'année où Zinedine Zidane part sur un coup de boule. Vous chantez La Tristitude en 2011 et La Tristitude, cette année-là, c'est l'échec de Ségolène Royal aux primaires socialistes avec 7%. Vous devenez chroniqueur du côté de chez Dave sur France 3 en 2014 quand du côté des libraires, on découvre Merci pour ce moment. Et vous êtes donc, je vous laisse nous le dire. Je suis Oldelaf, le célèbre chanteur de rock. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Old Love, dont le dernier album est débattu en ce moment à l'Assemblée dans la réforme de loi Macron, puisqu'il s'appelle Dimanche, votre album. Exactement. Vous avez eu sacrément le nez creux, Old Love. Exactement. Tordu, mais creux. Sorti en 2014. Et puis, on pourra vous voir bientôt dans le projet Michel Montana avec Michel Berthier. Alain, pardon. Et voilà, vous voyez, Michel Montana, j'ai emmêlé les pinceaux. En fait, avec Alain Berthier, vous êtes deux à constituer le fan club de Michel Montana, qui est un chanteur, un génie méconnu. On pourra vous voir au Festival d'Avignon, au mois de juillet, du 14 au 26 juillet. Mais alors, le projet Michel Montana, vous êtes deux dans le fan club. Qui est ce génie méconnu? Nous avions fort à cœur, avec Alain, de remettre Michel Montana au goût du jour. On sait que le monde de la musique, malgré toute la crise, permet encore à certains d'en vivre. Je voudrais les connaître. Et ensuite, du coup, on a monté ce spectacle pour retracer sa vie en chanson, de manière tout à fait ludique et festive. Et donc, c'est un spectacle qu'on a monté il y a 2-3 ans au Point Virgule, une scène que connaissent pas mal de gens ici autour de cette table. On est déjà passé par là. Les saltimbanques de Paris et de Navarre connaissent cette... Et exactement, c'est un passage obligé. Et du coup, ça fait un petit moment qu'on le prépare, qu'on monte, qu'on le fait grandir. Alors, dites-nous, Michel Montana, vraiment fictif ou pas fictif? Est-ce que c'est important de le savoir? Ce qui compte, c'est que ces chansons ont vraiment transformé, mais ont changé le monde. L'idéal, c'est de venir se faire une idée. Ça, c'est une bonne phrase. Alors, ça me fait penser, moi, à un chanteur aussi, un génie méconnu que Adamo avait éclipsé à l'époque, qui s'appelle Chris Conti. Là, c'est un personnage fictif. Ouais. C'était un film réalisé par exactement avec Benoît Fink, réalisé en 2006 et diffusé sur Canal+. Ouais, donc, vous êtes dans une veine qui est particulière. Il n'y en a pas beaucoup, mais une veine exactement, à la fois humoristique, mais aussi qui interroge les choses et le réel et le pas réel, quoi. Ouais, la frontière entre les deux. C'est ça, moi j'ai toujours été passionné de toute façon par le monde de la chanson sous toutes ses formes, et il y en a beaucoup de gens qui ont connu une carrière, qui ont été la création de chansons. J'ai toujours été fasciné par cette histoire du gars qui a fait partie des Rolling Stones et les Beatles. Et alors il y a aussi avec les Beatles, mais lâché juste avant. Il y en a un comme ça. Il a dit le bidou, ça marchera pas. Exactement, mais il y en a un qui s'est retrouvé à vendre des saucisses devant Wembley un soir de concert des Rolling Stones. Et cette histoire-là, je la trouve tellement, ça fait tellement travailler l'imaginaire. Et en effet, il a pas connu toute la gloire, l'argent, mais peut-être qu'il a eu une vie plus stable, plus construite, mais peut-être qu'il est mort de malheur ou hyper heureux. Il y en a qui auraient mieux fait de partir aussi. Dans les Charlots, par exemple, il y aurait mieux fait de tous partir. C'est vrai. De ne pas commencer, on pense à Danny Briand, qu'on salue. Je suis fasciné par ça. Et donc, on avait envie. Et donc, Jean-Jacques Nissen est venu voir le spectacle et il m'a expliqué. Je ne savais pas avant qu'il vienne le voir. Je ne connaissais pas l'existence de Chris Conti. De Chris Conti, les Japonais se rappellent très très bien, mais les Français plus du tout. Mais c'est dans cette veine. Donc, c'est un petit peu l'alter ego de Michel Montana. Voilà. Le projet Michel Montana, donc avec Alain Berthier, donc vous serez au Festival d'Avignon du 14 au 26 juillet. Et puis, vous poussez la chansonnette, vous n'êtes pas fictif du tout, à Paris le 20 juin au théâtre de la Contrescarpe. Là, oui, vous continuez... tout à fait. Voilà, exactement. On a fait 3 dates avec la formation Old Laf, version assez acoustique. C'est un petit théâtre à la Contrescarpe, pardon. Grosse fête Old Laf en concert, donc allez-y. Ben merci Alex. Et puis pourquoi parce que vous cassez la guitare, vous roulez par terre, vous touchez le torse. J'aime bien surprendre les gens, j'aime bien qu'il se passe des choses auxquelles on ne s'attend pas. Ça a toujours été le truc. Donc en effet, mélanger musique et humour, qui est un peu la marque de fabrique, mais du coup avoir des choses qui sont très visuelles. Et... donc vous arrivez nu. Je suis interdit depuis quelques années de le faire. Voilà. Il y a une filiation avec notre chanteur du vendredi qui s'appelle Frédéric Fromet, que vous connaissez sans doute. Mais tout à fait, voilà, c'est un compagnon d'autre. On s'est croisé il y a bien longtemps. On avait joué dans une salle de 77 il y a à peu près 2000 ans. Et on a suivi chacun nos routes et c'est agréable. On a joué il y a pas longtemps ensemble. Voilà, encore, pour ceux qui connaîtraient Frédéric Fromet, qui sont fans chez nous, vous allez adorer Old Laf. Parce que les gens en général essayent de le casser après ses chansons. S'il lui arrive un truc, on passe un coup de fil. C'est vrai que prend des risques, lui. Même à l'époque où coup, je travaille sur une radio concurrente, voilà, avec un vieil animateur. Sur Europe 1, on peut le dire. Avec Michel Drucker. Vous lui devez beaucoup, évidemment. Oui. Ah, bah oui, tout à fait. Ouais. On a vu vraiment une différence, c'est sûr. Et c'est vrai que j'abordais pas des trucs aussi politiques et engagés que Fred. En effet, là, il prend beaucoup de. On doit tous quelque chose à Michel Drucker. Old de Laffe, le projet Michel Montana. Donc, ce sera au Festival d'Avignon. Et puis, je pense qu'on vous verra ensuite en tournée. On pourra le voir en région et à Paris. Et puis, vous serez en concert à Paris le 20 juin au théâtre de la Contrescarpe. Old de Laffe est avec nous jusqu'à 18h. Il a tout annulé pour nous. Quand on ne joue plus les marlous, je n'ai pas revu quatre ballons. Rien n'a plus vraiment le même goût. Viviane Leigh a les cheveux blancs, elle regrette le noir et blanc. Pour autant qu'en emporte le vent. Wow, wow, wow. Señorita, dépêche-toi et remets ta robe de tata. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Señorita, dépêche-toi, je suis un peu plus vieux que toi. Je ne vais plus au cinéma, on a fermé l'Alhambra. Quand on voudrait bien retenir un tramway nommé Désir, Hollywood, Hollywood ne veut pas mourir. Marilyn aurait 50 ans, James Dean n'est plus un géant. Rien n'est plus vraiment comme avant. Wow, wow, wow. Señorita, dépêche-toi, je sens qu'il est bien tard déjà. Comme ma guitare sous mes doigts, les caprices d'une diva. Señorita, dépêche-toi, j'espère que tu ne m'en veux pas. Mais les fins comme au cinéma, tu sais ça n'existe pas. Quand on n'est plus sur sa moto, il se meurt dans un tango. Retenant le dernier sanglot. Tous les Indiens sont en VO à l'ouest du Rio Bravo. Rien ne va plus même chez les gringos. Wow, wow, wow. Señorita, dépêche-toi et remets ta robe de tata. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Señorita, dépêche-toi, je suis un peu plus vieux que. Je ne vais plus au cinéma, on a fermé l'Alhambra. Señorita, dépêche-toi, j'ai oublié les camélias. Je n'ai pas le physique pour ça, alors danse pour moi. Señorita, Christophe sur France Inter Nostalgie, il est 17h21. Dans 20 minutes, on retrouvera le moment Meurice, bien ancré lui dans l'actualité, n'est-ce pas, notre envoyé très spécial. Mais et oui. Autour de cette table, Alex Vizorek. Eh bien, il me reste Nicole Ferroni et Clara Dupont-Monod qui a dansé la salsa sur Christophe avec moi. Nous étions ravis. Et notre invité, Old Laffe. Nous avons débattu sur Christophe, en tout cas. Voilà. Oui. Vous pouvez faire un résumé du débat sur Christophe, peut-être. En disant que c'est un super prénom. Voilà. Voilà. On le salue, c'est l'heure où il se réveille, donc on le salue. Et pour le réveiller, on va l'informer, n'est-ce pas, Alex Vizorek? Charline Vanhoenacker. Que je salue. Alex Vizorek. C'est quoi cette histoire? C'est l'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence avec Marine Le Pen. Mais oui, elle était suivie par Cyril Eldin ce week-end. Et Cyril Eldin, qui est qui travaille pour le supplément. Voilà. Pardon, vous avez bien raison. La question piège. Heureusement que j'écris moi-même. Et il lui a parlé de l'immigration et notamment des chiffres qu'elle donne et qui sont toujours un peu au-dessus de la réalité. Écoutez ce qu'elle en dit. Nous sommes au début juin, d'accord? Le temps, la météo s'améliore et l'ensemble des acteurs qui s'intéressent à ces sujets savent pertinemment que la fin du printemps et l'été vont voir se multiplier, évidemment, les tentatives de traverser la Méditerranée. Donc en fait, amis racistes, méfiez-vous, parce qu'avec le réchauffement climatique, ça ne va pas s'arranger. Notons que économiquement, son calcul pourrait s'avérer intéressant, car si l'été, il y a une canicule, on perdrait des retraités qui nous coûtent et on verrait arriver massivement de la nouvelle main-d'œuvre. Donc merci Marine pour cette info. Alors arrêtez tout, toutes vos théories, parce qu'on connaît maintenant la vraie raison de la montée du chômage en France. C'est pas la crise, les réformes inefficaces du gouvernement? Non, c'est Pierre Gattaz qui le dit aujourd'hui dans Les Échos. Je le cite, il y a une réelle peur d'embaucher. Une c'est peur ça. Si, le chômage, d'embaucher, c'est ça. D'embaucher, ouais, ouais. Mon Dieu, mais c'est affreux. Le patronat français souffre d'embauchophobie. Il faudrait que ça soigne, Alex. Je pense qu'une petite annulation de l'ISF, ça pourrait au moins apaiser les souffrances. Passons à François Hollande. Oui, lors de sa visite au Qatar, il a remis la Légion d'honneur à Akbar Al-Bakr, le patron de Qatar Airways. Cet honneur rendu au Qatar fait un peu polémique. Oui, alors je vois pas pourquoi, parce qu'un pays qui lance une fatwa sur Florian Philippot ne peut pas être totalement mauvais. Affaire Bettencourt, 7 personnes condamnées ont décidé de faire appel. Mm-hmm. On est quelle date aujourd'hui, Alex ? 9 juin. Ok, donc c'est l'appel du 9 juin. Très bien. Passons. Oui, c'est tout. Oui, non, d'accord, il n'y a pas de... Assume, on s'est dit, on l'a fait. Voilà. On t'assume. Hein. Vous savez, le petit flottement qui a après la mauvaise blague, c'est une blague c'est en soi. C'est assez délicieux. Ah, c'est vrai. C'était une information. Ça n'a rien à voir, bien entendu. Ne vous méprenez pas sur le contenu de cette séquence. Passons aux médias avec une bonne nouvelle. Oui, TF1 a enregistré son plus mauvais mois d'audience depuis 1987. Oui, le temps de cerveau disponible des Français va donc augmenter considérablement et on leur fait confiance pour mieux le remplir. Méfiez-vous donc d'Energie 12. Et on termine par un son. Oui, un son, Charline, parce que vous vous moquez souvent de moi quand j'annonce une information que vous trouvez décalée. Oui, voilà, parce que souvent, ça n'a quand même pas d'intérêt. Oui, et bah, sachez que c'est très difficile d'annoncer une information du genre avec tact. Ce matin, sur LCI, ils ont tenté, image à l'appui, de narrer la chute d'un camion rempli de bébés porcs. Après un accident de camion qui transportait plus de 2000 porcelets, donc dans cet état de joyeux, je sais que cette image vous manque, Nicolas, la police donc, et les pompiers se sont mobilisés, ils ont mis plusieurs heures pour récupérer ces petits cochons. En plus, mais ce n'est pas drôle du tout parce que 400 d'entre eux étaient retrouvés morts. C'est de l'information. Ouais, vous trouvez notre calme. Voilà. Hein, vous voyez, ouais. Non, mais vous avez raison, Alex, c'est un métier. C'est un métier. Voilà, retour à l'information tout à fait normale et sérieuse à 17h25 sur France Inter. Jusqu'à 18h, on met l'actualité dans la prise en compagnie d'Ol de Laaf. Premier sujet, François Hollande sera à Bruxelles mercredi, à Genève jeudi, à Nantes, Angers, Vitry-sur-Seine vendredi. Fait une tournée plus longue que la vôtre, Ol de Laaf. Le Mans et Saint-Denis samedi, Bordeaux dimanche. Arrivera-t-il à temps pour être à Alger lundi? Oui, grâce à la carte Flying Blue. Je passe pour une débutante niveau miles. Je dois être dans les 60 000 par an. C'est déjà bien. Vous moquez pas. Combien vous faites? C'est personnel, ces choses-là. Oh, s'il vous plaît. Je vous connais à peine. Je veux pas me vanter. Il y a un nombre précis que j'essaie d'atteindre. Jamais rien vu d'aussi sexy. Faudrait pas que ça rabaisse notre relation. Nous, on est pareil. Les cartes privilèges nous excitent. On commence déjà bien bas. Il y a rien de rabaissant à être fidèle. Un extrait de In the Air avec George Clooney. Alors, vendredi, c'est complètement nul. Vous avez qu'à venir préparer l'émission. La version française. Ah oui, alors ça évidemment. Mais, oh là là. Oui, mais ça, écoutez, mais c'est François Hollande hein, qui dragouille avec sa carte Flying Blue. Qu'est-ce que je fasse moi. Donc, François Hollande fait 11 voyages en une semaine à partir d'aujourd'hui. Vendredi, c'est une journée plutôt inauguration et expo hein, à Angers puis à Vitry-sur-Seine. Samedi, il est plutôt sport avec Le Mans les 24 heures et Saint-Denis pour la finale du Top 14. Ensuite, il y a Bruxelles, Genève et Alger en passant par Tulle. Donc, j'imagine que vous posez comme nous une question essentielle, Ol de Laaf. Le bilan carbone de François Hollande. Effectivement. Et alors, de 1 et de 2, mais quand est-ce qu'il bosse? Ça, c'est vrai. Moi, je voudrais juste connaître les horaires, parce que moi, je sais que je suis sur Nantes, justement, vendredi. Je suis un petit peu inquiet parce que toujours faire des blocages de route et tout ça. On y va en voiture. Donc, si, voilà. Si alors, vous avez raison que c'est. Oui, pour ces déplacements de François Hollande, c'est bien de s'informer. Je sais pas si Bison Futé peut faire quelque chose, mais là, effectivement, ce qui vous frappe en premier, c'est le fait qu'on va avoir un sommet pour le climat à la fin de l'année à Paris, qu'il mise son quinquennat en partie là-dessus. Et que c'est le festival du Falcon. Et alors, ce qui est amusant, c'est que dans l'article du Parisien aujourd'hui en France, lisez-nous l'article du dessous, Ol de Laaf, le titre. Sommet du G7, un petit pas pour le climat, exactement. Voilà. Juste en dessous. Télescopé. Voilà, mais ça vous a frappé aussi, cette histoire de. Ouais, bah forcément. Enfin, est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'il soit, par exemple, je pose la question, à Bordeaux, le dimanche 14 juin, le salon Vinexpo. Je me fais l'avocat du diable. Hein, parce vous que... que ça va être très sympa et plus sympa finalement qu'être à l'inauguration de la cité de l'objet connecté à Angers en milieu de journée vraisemblablement le vendredi. C'est beau quand Oldelaf fait la promotion de la tournée de François Hollande. Mais et alors ce qui est pratique c'est que le lundi 15 juin il revient précisément donc au Bourget pour le salon aéronautique puisqu'il arrivera directement en avion, il sera sur place. C'est très sympa. Voilà, tandis que le 26 juin au festival musicaire de Montargis, il y aura Oldelaf ainsi que le 27 juin au festival Mégascène de Saint-Philibert de Grandlieu. Est-ce qu'on peut parler de tristitude en matière de cité de l'objet connecté à Angers? Ça doit être très sympa. Il y a plein de salons qu'on ne connaît pas. Le musée du Lacet, par exemple, je pense que personne n'a l'a visité, mais je pense qu'il y a vraiment des choses à voir dans ce pays. Voilà. Visiter votre pays qu'on ne connaît pas assez, finalement. Et surtout, ça veut dire qu'il délègue plus du tout, quoi. Il fait tout. Il fait plus confiance au ministre. Il a tout, tout seul, lui-même, quoi. Tout lui-même. Alors, son entourage dit, voilà, autant d'occasions d'expliquer au plus près des Français le sens de l'action présidentielle, qui va donc en 11 jours dans tous les sens, puisqu'il va de Genève à Bruxelles en passant par Alger. En tout cas, on ne pourra pas dire qu'il ne bosse pas. Ça, je ne sais pas. En tout cas, on pourra peut-être sous-louer l'Elysée à une famille, quelque chose, je ne sais pas. Ce qu'on ne va pas sous-louer, c'est le créneau horaire de Nicole Ferroni, car il est très attendu le mardi sur cette antenne. Oh, Nicole Ferroni. C'est gentil. Bah, moi, écoutez, je vais profiter de la présence de notre invité, donc M. Oldelaf, qui est quand même un très beau spécimen d'Intermitae spectaculum, petite espèce animale appelée vulgairement intermittent du spectacle, hein, qui est un mammifère qui pullulent énormément l'été et qui se multiplient de façon exponentielle à l'occasion d'événements nommés festivals. Hein. Vous serez par exemple au Festival d'Avignon, Festival Musicaire, Festival Mégascène. Et voilà, donc je voulais à cette occasion parler d'une autre espèce animale qui s'adonne elle aussi à de grandes performances artistiques sonores, mais non pas à l'occasion de festivals, mais simplement à la période estivale, à savoir la cigale. Donc la cigale, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, ce sont des insectes de type homoptère. Homo, pas parce qu'elles écoutent Mylène Farmer, mais parce qu'elles ont quatre ailes qui sont identiques. Ce sont des insectes qu'on observe essentiellement l'été dans le sud de la France et qui sont très connus pour ce chant caractéristique. Voilà, qu'on entend souvent, soit dans la garrigue, soit dans des publicités de shampoing à huile d'olive. Et sauf que ces cigales pratiquent ce chant de façon intermittente, hein, puisqu'elles ne le font qu'entre juin et août. C'est pour ça qu'elles en viennent à être considérées exactement comme des intermittents du spectacle et reçoivent du coup un regard assez critique de la part de la société, un petit peu de fainéant, d'opportuniste, hein, ce que Jean de La Fontaine a cherché à faire dans sa fameuse fable de la cigale et la fourmi, où la cigale est nommée emprunteuse, c'est-à-dire est un être qui ne pense qu'à chanter et n'a que faire ni des autres, ni de son avenir. Hein, comme si un petit peu la cigale venait en touriste à son propre concert. Alors c'est vrai qu'il y a de grandes similarités entre les cigales et les touristes, notamment les touristes allemands, parce qu'on ne les voit pas l'hiver et que soudain ça pullule en été. Ensuite, ils s'implantent géographiquement surtout dans le sud de la France, mais on ne peut pas confondre les touristes allemands et les cigales, puisque les touristes allemands, eux, sont munis de sandales et de chaussettes. Ils portent des sandales et des chaussettes, alors que les cigales ne portent pas de sandales, mais des cymbales, qui sont deux petites écailles au niveau du thorax qu'elles peuvent mettre en mouvement via leurs muscles thoraciques et dont la contraction fait passer alternativement ces cymbales en mode convexe-concave. Vous le faites bien. Exactement, oui, comme les, vous savez, les bouchons de jus de fruits qui font clac pour garantir l'ouverture fraîcheur. Et ben c'est exactement comme ça. Si vous voulez la gestuelle, allez voir sur franceinter.fr la vidéo. Hein, voilà. Et ces cymbales donc ne sont présentes que chez les mâles, qui sont donc les seuls à chanter, dans le but de signaler et séduire les femelles. Pour autant, est-ce que les cigales, par ce statut un petit peu de saltimbanque, de midinette ou de chanteur pour cagoles errantes, méritent aussi peu de considération que les intermittents miteux comme Oldelaf? Non, parce que ce qu'on connaît de la cigale, à savoir cette courte période Frédéric François, hein, où la cigale chante à tue-tête des airs qui inspirent l'amour aux femelles, ne représente en fait que 3% de la vie de la cigale. Car en réalité, comme les intermittents, la cigale passe le plus clair de son temps, non pas à la lumière de la scène, mais sous terre. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, avant de passer un mois en plein air en été en tant qu'adulte, la cigale passe en fait des années avant, sous terre, en tant que larve. Alors c'est en moyenne 5 ans pour l'espèce Circada orni, mais jusqu'à 17 ans pour l'espèce Tibicina septandécime. Et en fait, exactement, comme les intermittents au spectacle ne démarrent pas leur carrière à l'Olympia, mais vont d'abord écumer des caves, des théâtres sombres pour répéter leur spectacle, et ben les cigales creusent la terre comme on creuse sa carrière artistique, hein, et se nourrissent, comme les intermittents du spectacle, de racines, à l'exception, faute de budget, à l'exception près que les cigales libèrent de l'urine au niveau de leurs pattes avant pour ramollir le substrat à creuser, ce que ne font font pas ou peu les intermittents du spectacle. Et ça leur permet du coup de piquer la racine et d'en extraire la sève. Alors du coup, beaucoup de gens disent des cigales comme des intermittents. Ah, vous voyez, ces profiteurs, ils nous soutirent notre sève. Oui, peut-être, sauf que combien de retombées économiques grâce à ces artistes humains ou insectes, hein ? Peut-être que de la même façon que la ville d'Avignon est très contente de la présence de ces artistes assistés durant le mois de juillet, eh ben on peut se demander, oui, combien de napperons, de nappes cirées, de rondes serviettes vendues à l'effigie des cigales et combien de saisons de Plus belle la vie, cartons d'audience, sont optimisés par celui-ci. Donc pas étonnant du coup que les habitants de la petite île grecque de Donoussa aient fait paraître au mois de mai dernier une demande internationale d'envoi de cigales, c'est vrai, pour les implanter dans leur île qui n'en possède pas, parce que les cigales, c'est comme les intermittents, on se rend compte que c'est mieux quand il y en a. Oui, voilà. Merci Nicole Ferroni. Oui, on peut applaudir. La défense des intermittents, bien sûr. Alors, vous avez un point commun. Vous avez un point commun avec Koldelav. C'est Koldelav, vous avez aussi été enseignant. Oui. De musique au collège. Tout à fait. Et puis vous avez glissé, vous avez viré comme Nicole Ferroni vers la chanson et l'humour. Exactement, c'était la meilleure décision de ma vie. Mais non, c'est vrai que tu deviens, je savais pas que t'avais été enseignante, mais par contre c'est vrai que tu deviens assez vite schizophrène quoi. Le soir, t'as des gens qui payent pour venir te voir de loin, qui font de la route, qui t'applaudissent, et le lendemain matin tu te retrouves avec des mômes qui rêvent que tu sois malade, tout simplement mort. Et voilà, mort dans le meilleur des cas, mais c'est ils se sentaient un peu coupables, donc et voilà. Donc, C'est la vie des enseignants qu'on salue, parce qu'on a de nombreux auditeurs enseignants, surtout à cette heure-ci, hein, parce qu'ils sont sortis du boulot. Et voilà, ah bah, vous aviez dit un truc gentil, fallait pas créer des vies. Je peux me permettre parce que mes parents sont enseignants. Parce que vous allez finir enseignant si vous continuez. Je finis comme ça. Mais non, on les embrasse très très fort. Et oui, vous êtes sur France Inter et tiens, les cigales, allez les écouter avec Koldelav au Festival d'Avignon, bien sûr. Allez, vous êtes sur France Inter, on est ensemble jusqu'à 18h. Suddenly Little chante Oh Mother sur France Inter. Vous êtes à la bonne adresse, oui, sur France Inter. Et c'est l'heure de... Bonjour. Si ça vous fait pas plaisir, je pense que Charline vous observez quand je ne suis pas attentif pour me dire maintenant c'est à vous de le lancer. Alors que 4 jours sur 5, c'est vous qui lancez Guillaume Meurice. C'est moche ce qui vient de se passer. Vous pourriez être professeur, en fait, vous avez toutes les qualités pour. Bonjour Guillaume Meurice. Oh, bonjour Alex Vizorek. Vous êtes réveillé cette petite sieste. Vous voyez partir, je me suis dit, je vais le ramener à nous. Qu'est-ce que vous avez été faire, Guillaume Meurice, aujourd'hui? Moi, je me suis rendu ce matin au salon de l'APEC. L'Association pour l'emploi des cadres. C'est d'ailleurs le paradis des acronymes. Il y a de la COGIP en veux-tu, de l'ACRELEC en voilà. Que des noms qui donnent envie de bien s'ouvrir les veines avec un couteau à huîtres rouillé. D'ailleurs, les cadres ne se privent pas de se suicider régulièrement sur leur lieu de travail. C'est connu. C'est même la grande chance de François Hollande pour inverser la courbe du chômage. Le gouvernement aurait même prévu d'envoyer à chaque cadre l'intégrale de l'œuvre du chanteur Raphaël pour accélérer le processus de dépression. D'ailleurs, puisqu'on parle de dépression en un mot, parlez aussi dépression en deux mots. Il faut boucler les dossiers, il faut ramener un maximum de chiffres. Ah voilà. Forcément, on a une certaine pression. On est coté en bourse de New York, donc derrière, on a des actionnaires qui veulent des résultats. C'est pour ça qu'on a besoin des meilleurs. Vous avez un peu des dépressions, pas de, chez vous, des cadres qui vont pas bien? Non, il n'y en a pas pour le moment. On notera le pour le moment, mais ça ne saurait tarder si on continue à leur foutre la pression pour engraisser les spéculateurs de Wall Street. D'ailleurs, elle bossait dans quel secteur, la dame? Soit en solution de cloud computing, on travaille avec des intégrateurs, et pour ma partie... on travaille avec des suppliers. Ok, d'accord, laisse tomber, on ne pige absolument rien à ce que tu dis. Ou alors, à ce moment-là, c'est peut-être que j'ai pas le niveau cadre et j'ai besoin d'une formation. Ça tombe bien, j'ai rencontré Georges. Il forme des jeunes cadres de tous horizons pour... Pour que les populations d'étudiants soient totalement brassées, totalement indiscernibles, pour ainsi dire. Voilà, pour ainsi dire, un mot qui n'existe pas du tout, Georges, en fait. Mis à part dans ta tête, en tout cas, ni en anglais, ni en français. Alors, s'il s'agit de dire n'importe quoi, à ce moment-là, j'ai peut-être le niveau pour être cadre. Donc, j'ai tenté ma chance chez Lidl. Bon, quelles compétences il faut avoir pour vendre de la merde? Des produits Lidl, pardon. Vous n'êtes pas objectif sur ce coup-là. On est quand même enseigne la mieux notée en 3 ans d'affilée. Quand même. Pardon, c'est... mais c'était un lapsus, pardon. Pas de soucis. Ok, si je ne sens pas rancunier chez Lidl, c'est toujours ça. Il a été sympa de vous répondre. C'est vrai, non, c'est vrai que j'ai mal commencé cet entretien mais d'embauche. Un jour, vous allez vous faire casser la figure. Non, mais c'est juste, j'étais pas hyper motivé pour bosser. C'est Lidl. Mais ce qui m'a attiré chez eux, c'est qu'ils avaient mis sur la table des petits cadeaux pour attirer les cadres. Eh bien écoutez, on a des jetons à caddie, on a des stylos et on offre, parce qu'il va commencer à faire chaud, des boissons fraîches. Oh la chance. Je sais. J'ai envie de venir bosser chez vous. Bah écoutez, moi ça fait 14 ans que j'y suis, je me plains pas. Bah tu m'étonnes, avec des jetons à caddie Lidl gratos, ça serait quand même gonflé de se plaindre, Lidl. Bon, en même temps, c'est plus facile de se suicider en étant cadre chez Lidl. Il suffit bien évidemment de manger les aliments dans les rayons directement. C'est moins facile dans un magasin de bricolage, car oui, il y avait aussi une jeune fille qui bossait... Dans la grande distribution, chez Castorama France. Chez Castorama, il y a des cadres, forcément. Et chez Castorama, il y a des cadres, d'ailleurs, ils sont présents aussi. Si tu... C'est logique, pour la décoration. Oui, alors là, bien vu... Denis Moix sur France Inter. Eh oui, on rigole bien sur France Inter. De l'humour, de l'actualité. Eh oui, au Salon des Cadres. C'est l'actuel humour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fantaisie au Salon des Cadres. C'est un peu le festival de la cravate à motif. Allons voir d'ailleurs un cadre à cravate à motif. C'est celle que j'aime bien, oui. Les petites fleurs bleues sur fond jaune, vous aimez bien? Oui, en fait, je voulais pas mettre du foncé parce que foncé, c'est un peu triste. Oui, c'est vrai, c'est triste. Mais je vais vous dire franchement, le salon de l'APEC, c'est triste. J'avais même jamais rien vu d'aussi triste de toute ma vie. Et pourtant, moi, j'ai passé des dimanches après-midi à Vesoul. Donc vraiment, vraiment, en termes de tristesse, moi, je m'y connais vachement. Mais non, mais c'est juste triste de voir tous ces cadres prêts à subir cet esclavage moderne. Il y a une conjoncture. Il faut s'adapter à la conjoncture. Donc vous êtes prêt, c'est bien. Oui. À 52 ans, il faut, voilà. Vous êtes prêt à accepter que les entreprises gardent le pognon pour faire des dividendes pour les actionnaires? Comment y redistribuer les dividendes, ça c'est une autre question. En tout cas, c'est pas la mienne. Eh ben non, mais non. Continuons à ne pas nous poser de questions. Continuez à accepter des heures sup non rémunérées. Et votre prochaine boîte, elle sera en chêne, en merisier ou en sapin. Sapin, du nom du ministre fossoyeur du travail. Merci Guillaume Meurice. Vous avez une assurance pour ce reportage? Vous êtes assuré? Je vais vous donner le numéro du bureau à France Inter pour se renseigner. Je suis extrêmement baraqué, donc je fais peur aux gens. C'est vrai. Le sac de presse, c'est impressionnant. Moi, je te voyais sur les chroniques sur Internet ou à la radio, on se rend pas bien compte. Ouais, jamais. Là, non, mais en vrai, non. Mais plus, là, on se rend pas compte. De près, c'est quand même une machine de guerre. Moi, je partirai accompagné de Oldelaf, notre invité, qui est un petit peu plus baraqué que vous. Ah oui, c'est pas difficile. Son dernier album s'appelle Dimanche et vous serez au Festival d'Avignon du 14 au 26 juillet avec le projet Michel Montana. Et pour l'instant, vous êtes avec nous sur France Inter jusqu'à 18h. Le sujet 2, c'est l'équipe de France de foot féminin qui dispute ce soir son premier match de la Coupe du Monde au Canada face à l'Angleterre. Alors, il y a bien une blonde en une de l'équipe, mais c'est une bière. Alors que le foot féminin est en plein essor, il vient de loin. Je reviens de la mairie, là, et ils veulent nous retirer la subvention. C'est-à-dire, si on continue comme ça, avec les résultats, c'en est fini du foot féminin à Arpajon. On a encore pris 6 buts avant-hier. Ah, moi, je ne sais plus quoi vous dire. Hein, je ne sais plus quoi vous dire. Il y a vraiment un très gros problème en défense. Bon, Fabienne, écoute-moi. Je te demande de muscler ton jeu. Alors muscle ton jeu, Fabienne. Hein, cerveau veut, corps veut. Isabelle Nanty dans 3-0. Alors, à la une, l'équipe revient sur la loose des Bleus face à la Belgique. Et rien sur les footballeuses. Enfin, la loose, 4-3, c'est pas non plus la va, loose. Bah, vous avez perdu quand même. Alors, rien sur les, sur les footballeuses. Pas assez de place puisque la moitié de la une est mangée par une pub pour de la bière. Alors, en Allemagne, Bild a quand même fait sa une sur l'équipe de foot féminin qui a gagné 10-0 face à la Côte d'Ivoire. Oui, mais... Donc, on est en retard en je France. D'accord, parce que je crois qu'il faut boire beaucoup de bière pour voir un match de football féminin et l'apprécier. Donc, à mon avis, c'était un. Oldelaf, t'as non, mais je ne cautionne pas du tout ce genre d'humour. Je pense qu'il y a l'erreur. Les deux côtés quoi. D'abord l'équipe ça se fait pas de ne pas parler de ça en effet et... Alors à l'intérieur ils en parlent quand même. Il y a toutes les photos hein, de toutes celles qu'on ne connaît pas évidemment. Ouais, donc c'est l'occasion. En couverture c'est ça mais et bon tu vois en effet c'est vrai que je en même temps ils parlent pas non plus de politique extérieure tu vois du tout il y a des sujets plus graves finalement que le foot. Bon ça c'est le premier problème pour l'équipe et l'autre problème c'est au niveau de même de l'équipe de France de foot féminin ils feraient jouer à la place Ronaldo Messi tu vois et ben là je peux te dire que ça développerait l'intérêt que les gens auraient je sens que vous vous moquez mais non, si votre c'est pas le genre d'équipe. Si votre fille vous dit je m'inscris au foot écoute vous allez moi vous intéresser franchement, je préférerais ça que mon fils me dise qu'il veut faire de la danse ou là je le tuerais. Quoi, par exemple, quoi. C'était ma prochaine question. non, mais en vrai, j'aime beaucoup le foot. Moi, je fais du foot dès que je peux et j'aimerais beaucoup jouer justement avec. J'ai jamais l'occasion de faire des matchs en compétition et je trouve que peut-être des matchs mixtes. Ouais, mais vraiment, il y en a de temps en temps. Attention, une main de Oldelaf, non pas sur le ballon, sur les fesses de Géraldine. Le problème, c'est que les filles, elles simulent. Elles sont habituées. Là ah là oui, il y en a qui ont eu des problèmes avec ce genre de... Pas comme les joueurs italiens, bien sûr. Alors, sachez que vous allez devoir vous y intéresser, les garçons, parce que la France organise la Coupe du Monde de foot féminin en 2019. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait exploser le nombre de licences en Allemagne. C'est pour ça que finalement, les filles, les footeuses se retrouvent en une de Bild. C'est parce qu'il y a plus d'intérêt en Allemagne, parce qu'ils ont déjà organisé la Coupe du Monde. C'est culturel, ça vous embouche un corner. Ça vous embouche un corner, ça. Et ce qu'il faut dire, c'est que les filles sont très élégantes sur des terrains de foot. Ça, c'est vrai. Et donc, voilà, c'est pas. Non, parce que. Et ça joue bien. Ça joue très bien. Évidemment. Oui. Nicole Ferroni. Moi, j'ai une question. Où c'est que c'est diffusé les matchs? W9. Ah, ok. Ah, ouais. Disons-le quand même, parce qu'il faut, si on veut les voir, c'est mieux si on le dit. Une fois que Visorek est réveillé, on n'arrête plus. Hein. Une question? Vous voulez la composition de l'équipe? On va faire un test. C'est l'heure de quoi maintenant, Alex Visorek? C'est l'heure que je préfère. C'est l'heure du bon moineau. Je crois qu'il allait parler de l'apéro. Chers auditeurs, restez avec nous. Vous êtes bien sur France Inter. C'est l'heure de Clara Dupont-Moretti. Ça dérape complètement. Oui, c'est alors, pour ça que je recale. Oui, voilà. Merci. Alors oui, Charline, l'actualité, c'est aussi la diffusion hier soir de la 10e édition de L'amour est dans le pré. Je ne sais pas si vous regardez. J'ai jamais regardé un épisode. Justement. Parce que je m'intéresse pas du tout à l'amour. Autant les prés, ça, je suis assez. Voilà, mais pas tellement l'amour en fait. Ah oui, c'est ça. Mais c'est dommage parce que hier soir, il y avait une séquence cruciale. Oui. C'est que les 14 Apollons à fourche, ce sont les candidats, ont ouvert les lettres de leur prétendante. Donc un arboriculteur a ainsi commenté, il a dit « Elle, vu son écriture et sa signature, ça doit être du feu. » Et il a ajouté « C'est une belle bête. » Vous voyez, on reste dans la mouvance de l'équipe. Tandis qu'un éleveur de brebis chavirait en lisant « Quand j'ai vu ton portrait à la télé, j'ai pleuré du cœur. » Bon, voilà. Oh. Alors, c'est très mignon, bon, ça. C'est pas que les vaches laitières me laissent indifférente, hein, loin de moi cette idée, mais tant qu'à faire, s'il faut s'offrir une séquence de courrier brûlant, je préfère la littérature. Et justement, un recueil de lettres vient de paraître qui s'appelle « Mademoiselle S. chez Gallimard ». Et ce sont des vraies lettres d'amour, comme « L'amour est dans le pré », sauf que celles-ci, elles ont été découvertes au fond d'une cave. En fait, le découvreur s'appelle Jean-Yves Berthaud, c'est celui qui a compilé et édité ces lettres-là. Il aidait une copine à déménager, et dans la cave, il est vraiment tombé sur une sacoche très lourde et très vieille. Et dans cette sacoche, il y avait des lettres, avec la même écriture, et toutes signées d'un seul et même prénom, Simone, avec une date 1928-1929. Alors, Jean-Yves Berthaud est diplomate et il est assez honnête et assez drôle parce que dans la préface, il écrit « Saisissant l'occasion d'un poste d'ambassadeur dans un pays assez tranquille, j'ai pu consacrer mes week-ends et mes soirées, il le dit, hein, à lire et à classer les lettres pour finalement les éditer. » Et ces lettres, elles décoiffent, mais vraiment. On est très très loin du « j'ai pleuré du cœur » hein, et beaucoup plus près du « j'ai pleuré de la culotte », si vous me permettez. Parce que, visiblement... Visiblement, Simone est une femme, comme on dit, de bonne famille. Cultivée, elle appartient à la grande bourgeoisie de l'entre-deux-guerres, et elle est folle amoureuse de son amant, qui s'appelle Charles, et elle s'enflamme pour lui. Mais quand je vous dis « elle s'enflamme », elle torpille la bienséance de son milieu. Au départ, elle termine ses lettres par « Je colle mes lèvres aux tiennes et je prends ta queue jolie. À demain, mon chéri. Bon. » On comprend qu'elle est soumise à Charles. Elle écrit « Tu étais à peine dévêtue que déjà le fouet s'abattait sur ma croupe, etc. » Ce qui, oui, déjà, bah, attendez, classique. Vous allez voir après. Hein. Ce qui, pour une jeune fille de bonne famille en 1928, oui, est quand même déjà assez punk. Hein. Alors ici, notre directrice de France Inter, Laurence Bloch, nous avait demandé déjà d'être un peu punk. Voilà, voilà ce qu'il nous reste à faire. Hein. Vous allez enfin pouvoir sortir votre fouet, Alex Vizorek. Mais Simone va plus loin. C'est-à-dire que 6 mois plus tard, quand on poursuit la lecture des lettres, les rôles sont inversés. En fait, elle a senti que Charles penchait sérieusement pour la sodomie et elle prend la place de l'homme. Non mais attendez, il faut quand même du cran, hein. Et elle écrit « Ma maîtresse adorée, je serai ton amant ». Tout ça est en compétent véridique. Hein. Mm-hmm. Alors elle achète les accessoires qu'il faut, et là c'est la fête. Exemple la tête de Mais c'est absolument véridique, et c'est très bien écrit. C'est mais de la littérature. Elle dit, ça. Mais oui, non mais elle attendez, dit... Charline, elle prend des notes. Elle... Alors écoutez Simone, écoutez Simone. C'est ça, parce qu'ils vont se dire que... Oh bah attendez, elle cherche là. Attendez, écoutez ce que dit Simone. Elle dit « Regarde entre mes cuisses la belle pine qui t'attend, elle darde vers son trou sa tête rouge et formidable, et pendant que je t'encule ainsi, une autre queue est dans mon trou. Bon. » D'accord. Et donc là, donc nos auditeurs en région ramènent les enfants de l'école. Non mais oui, mais c'est la littérature, papa, non, mais c'est véridique. Maman. Et on embrasse Olivier Schramek. D'accord. Alors, vous voyez, par amour, Simone transgresse toute son éducation et ces lettres-là, ce que je trouve très beau quand même, c'est l'écrin de cette transgression. Et puis, il y a une dimension tragique, c'est que Charles, en fait, on le comprend, commence à avoir peur. Il a peur de... Ben oui. Même nous, hein. Même nous, non, on la connaît pas, Simone, et moi, je suis comme ça, je vous le dis. C'est tragique, parce qu'il a peur de tout cet érotisme, et en plus, il a peur de cette homosexualité que Simone lui révèle. Donc, on voit que les premières disputes éclatent. On n'a que le prisme de Simone, hein. Mais on voit derrière se dessiner toute l'histoire. Et puis, il y a cette question quand même qui court derrière les lettres et qui parcourt la littérature entière, qui est à quel moment l'autre vous reproche de l'avoir emmené trop loin ? À quel moment l'autre vous en veut d'avoir compris en premier où il serait capable d'aller ? Eh ben oui. Ah, bah, s'il n'est pas évanoui, il va pouvoir le dire. Mais... On arrête de ricaner. Hein. Et bon, et plus Charles prend ses distances, plus Simone rivalise d'imagination sexuelle pour le garder, pense-t-elle. Alors qu'en fait, évidemment, ça accentue le recul de Charles. Donc la fin est d'une tristesse. Bon, voilà. La fin est d'une tristesse. On a tous pensé. Merci de ne pas l'avoir dit. La fin est d'une tristesse sans nom. Je voudrais remercier ici la patience de notre invité. Merci. Et c'est de loin le plus élégant. Je voudrais aussi remercier les copines qui déménage, parce que c'est né de là quand même. Oui, oui, c'est ça. Les copains qui vident les caves et les ambassades tranquilles, donc merci Jean-Yves Berthaud, sans oublier la littérature qui fait ressurgir Simone grâce à ses lettres. Je vous donne les références. Mademoiselle S, Lettres d'amour 1928-1930, c'est paru chez Gallimard. Merci Clara Dupont-Mono. Quand on sait que Charles était aveugle, ça a été terrible. Quand elle l'a appris, ça a été c'était ça la vraie brutalité de cette relation en fait, je pense. Si vous voulez réécouter cette chronique en chaise roulante, Charles est en chaise roulante. Mais alors, qui est dans ma croupe. Voilà. Si vous voulez réécouter cette chronique, faites-le sur franceinter.fr, sur notre page. Voilà. Ça, c'est quelque chose, Olde Laff, que Nathalie, votre amour des JMJ, n'aurait pas pu écrire, par exemple. Mais si, je pense que il ne faut pas se fier à ce qu'on est à l'extérieur. Je pense que ce n'est pas forcément les gens qui en disent le plus, qui en font le plus. Voilà. Olde Laff est avec nous. Le dernier album s'appelle Dimanche. Et vous serez au Festival d'Avignon au mois de juillet, à partir du 14 juillet. particulier avec le projet Michel Montana. Et avec vous, on aborde le troisième sujet sur France Inter. Le troisième sujet dont je n'ai pas écrit le lancement. Mais je vais vous... Ça va bien aujourd'hui. Donc, on se qui dort, heureusement qui a pas fait ses lancements. Heureusement. Bon, on va faire l'émission, Clara. Oui, voilà. Allez, dégagez. Voilà, attendez, voilà, le steak sans viande, évidemment. Je l'ai retrouvé pour être une solution. Madère, donc. mais oui, parce que la sauce Madère accompagne très bien le steak sans viande qui pourrait être une solution pour nourrir la planète. C'est ce qu'on appelle l'innovation alimentaire. J'adore les légumes. Mais après une journée à l'agence, j'ai pas toujours le temps. On est vite fous. Heureusement, maintenant, il y a Rapid Asperge. Oh, chouette, des asperges. Rapid Asperge, c'est tout nouveau. Vous appuyez, c'est tout. Et deux minutes après, vous passez à table. Rapid Asperge, l'asperge en tube. Et encore, vous avez épargné Fast l'huître. L'huître en tube. C'était des pubs pour le sucre à l'époque. Voilà. Alors, donc, l'histoire, c'est une double page dans Le Parisien qui nous explique qu'il y a 9 milliards de gens sur Terre en 2050 et qu'il va falloir renouveler notre alimentation. Donc, il y a des tas d'innovations qui sont proposées à l'exposition universelle de Milan. Évidemment, les animaux ne vont pas pouvoir rassasier les 9 milliards d'humains. Il va falloir se mettre sérieusement au végétal, tout comme Guillaume Meurice, qui va nous parler de son expérience dans un instant. D'où le steak sans viande. Et Pierre Gagnère, le fameux chef, a déjà proposé dans son restaurant un plat 100% artificiel issu de la chimie. Qu'en pensez-vous, Walter? Bah, d'abord, merci de m'interroger à ce sujet. On tenait vraiment à aborder ce sujet avec vous. On ne demande pas assez aux intermittents. Voilà. Oui, Nicole, t'es là. La viande, le steak sans viande, la nourriture. Généralement, ça me donne envie de mettre des coups de poing dans un premier temps. Et ensuite, voilà, quand on réfléchit à long terme, on se dit que certainement, voilà, il faut réfléchir à nourrir tout ce petit monde. Je suis un bon mangeur, comme ça se voit de près, c'est assez impressionnant de voir à quel point je suis un bon mangeur. Oui, donc il y a le côté culturel, vous ne voulez pas laisser sur le bord de la route, quoi. Ouais, donc maintenant... Mais si c'est le même goût, par exemple si c'est du saucisson, avec exactement le même goût, mais il n'y a pas de souffrance animale derrière. Ah, certainement, si on le trouvait, j'ai rien contre, en effet. C'est ça qui est proposé. On n'est pas loin, mais ça coûte assez cher pour l'instant, oui. L'innovation. Je crois que c'est 290 000 euros les 142 grammes pour l'innovation qui est présentée à Milan. C'est sûr qu'il n'y aura le pas steak la cantine. Quoi. Ouais, dans un budget familial, ça représente. Quand même, je veux dire, aujourd'hui, on parle de la crise. Les gens qui vont se payer ça, je pense que tu peux même t'acheter tout un troupeau. Met le panier de la ménagère en compte offshore à Singapour. Oui, c'est ça. Mais c'est très bien qu'on se pose la question maintenant, en effet, pour préparer. Je sais qu'il y a beaucoup de steaks qui se font même avec des vers d'élevage. Oui, alors par exemple, les insectes sont une solution. Voilà. Alors pour l'instant, on crie aux abois pour les insectes, mais s'il faut s'y mettre, on y va, quoi. Les peaux mortes aussi. Alors, non, mais les insectes, c'est sérieux, les c'est ongles, hein, tout ce qui est. Au moins, c'est ce qu'on mange, avec les ongles. Oui, exactement. Après, bon appétit, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que je suis. Je me balade, j'ai eu l'occasion de manger des insectes, etc. Pas pour le plaisir, mais quand je vois des gens qui le font, je me dis pourquoi pas, et je suis prêt à goûter tous les goûts. Guillaume Meurice, vous pouvez témoigner. C'est j'ai arrêté de manger de la viande et c'est mon choix. C'est le retour des Vilknoma. Bonjour. Ah, moi, j'ai arrêté de manger de la viande, mais j'ai pas commencé à manger de la viande sans viande. Ah. Parce que j'ai pas le budget pour l'instant. Ça, non. Mais c'est-à-dire qu'à la cantine, quand on vous propose entrecôte ou steak de soja, vous prenez ni l'un ni l'autre. Si, je prends le steak de soja qui a un goût de carton. Et si vous hésitez entre le steak de soja et Concrela, imaginez que la cantine. Vous avez d'autres questions? Il y en a aussi, la cantine des Cancrelats. Ah oui, mais ils ne sont pas prévus normalement. C'est la surprise. S'ils sont morts de mort naturelle, le Cancrelat, ça me va aussi. Des après-spectacles à l'école de l'AF, le plaisir quand on sort de scène et qu'on a quand même bien donné, c'est quand même un petit sauciflard avec un petit pinard. Oui, mais si ça a le même goût, c'est ça qui est proposé en fait dans l'avenir. Ça n'existe pas encore. Alors, mais si, alors justement, le petit Justin Bridoux, il fait plaisir. C'est l'intérêt de l'article, c'est ça. Vous êtes sûr que les porcs, ils souffrent? Parce que s'ils sont élevés en batterie, c'est parfois une libération d'être tué. Quand t'es élevé dans une batterie avec 20 millions de poulets, si tu as un moment, tu dis j'ai envie de partir, voilà, je préfère. Si vous voulez flipper, on vous conseille Le Parisien aujourd'hui en France. Oui, il est question aussi d'une boisson. On la boit, on l'a mangée pour la journée, et elle s'appelle Soylent parce que ça fait référence au film avec Charlton Heston, Soleil Vert, Soylent Green. Donc vraiment on la, dit la, soleil en anglais. Non, mais alors là, c'est Soylent Green. Ouais. J'ai pas tout compris, en tout cas, ce qui est sûr. Oui, je sais pas si ce sujet était clair. Je me demande. Si ça n'est pas clair, écrivez-nous hashtag annule tout et on le retraite demain. Parce que nous non plus, on n'a pas tout compris. Mais on vous renvoie vers Le Parisien aujourd'hui en France parce que dans cette émission, on vous conseille aussi d'acheter la presse. Soyez citoyens, achetez la presse. On en a besoin. Sauf peut-être Le Figaro. Voilà, mauvaise langue. Ça fait partie de la presse. Et si vous n'avez pas lu la presse, comptez sur nous pour vous informer avec Alex Vizorek. Oui. What do you want? Yes. No problem. Needs a no. Oui. This is not the method. News au kilo. There is a bit more. Vous le mets? Again the no. Et on commence avec une information sur le point.fr. Le meilleur vin blanc du monde n'est pas français. Oui, après avoir goûté 8000 vins, 299 experts ont décerné le titre du meilleur vin blanc du monde à un vin d'Afrique du Sud. Ah bah normal, je dirais après plus de 40 ans d'apartheid, tu m'étonnes que ce soit le blanc le meilleur. Oui, c'est ça, sous l'apartheid, le vin blanc était sans doute élevé en fût de chêne, alors que le vin rouge était dans les cubis, quoi. Voilà, ouais, mais à l'époque... Comment ils faisaient pour le rosé? Alors ça, je pense que c'est comme avec les zèbres. Personne ne sait comment ils étaient traités dans le zoo de Johannesburg pendant l'apartheid. Ça reste un mystère. Très bien. Passons à une petite info comme vous aimez. Et oui. À chaque fois que je dis ça, je tremble, j'ai des sueurs. Surtout quand ça vient de Malaisie. Voilà, c'est Guillaume Meurice qui me l'a envoyé. La Malaisie accuse des nudistes d'avoir provoqué un tremblement de terre. Des nudistes qui provoquent un tremblement de terre. Voilà, d'après une autorité locale, le tremblement de terre qui a fait quand même 16 morts est imputé à une dizaine de touristes qui auraient provoqué le courroux des esprits en bafouant les coutumes locales, en se prenant en selfie tout nu. Ah, bah vous voyez que c'est dangereux, vos selfies à la perche. Non, là. Ce qui est dangereux, c'est de montrer sa perche sur le selfie. C'est... D'accord, très bien. On termine par un retour très attendu. Oui, Clara Dupont-Mono fait ça choquer. Le retour de Lara Fabian. Et ça va faire plaisir à tout le monde. Je sais que vous adorez Lara Fabian, de l'AF. Oui, on a chanté ensemble ça. Et voilà, aujourd'hui, on a droit à un avant-goût de son nouveau titre. Ah, génial. Génial, et son nouveau titre, c'est « Quand je ne chante pas ». Voilà, quand tu ne chantes pas, c'est tant mieux. Merci Alex Vizorek. Donc, on va annuler Lara Fabian qu'on pensait inviter dans notre émission. Elle a beaucoup d'humour. Elle est belge, elle a beaucoup d'humour. Merci Alex Vizorek. Hold the Love, je rappelle votre dernier album qui s'appelle Dimanche. Et le projet Michel Montana, ce sera au Festival d'Avignon du 14 au 26 juillet. Voilà. Et puis vous êtes en tournée mondiale. Je profite pour dire qu'avant, on sera dès le début au Festival d'Avignon avec Hold the Love et le spectacle Hold the Love du 2. Moitié-moitié. Exactement. On fait du 3 au 13 avec. D'accord. Celui qu'on peut voir le 20 juin à Paris au Théâtre de la Contrescarpe, par exactement. Exemple. Voilà. Ou le 26 juin au Festival Musicaire de Montargis. Le 27 juin au Festival Mégascène de Saint-Philibert. De Grand-Lieu. C'est où ça, Saint-Philibert de Grand-Lieu? En France. Par là, voilà, ouais. C'est cela. Hold the Love était avec nous. On peut aussi vous voir, bien sûr, du côté de chez D. Vous êtes chroniqueur sur France 3 le dimanche à 17h. Et Guillaume Meurice, vous êtes ce soir à la Nouvelle Scène. Oui, mais tout à fait. À 21h30. Mais oui. Et voilà le mot de la fin à François Hollande, Flying François, qui emballe grave avec sa claire Flying Blue. Je passe pour une débutante niveau miles. Je dois être dans les 60 000 par an. C'est déjà bien. Vous moquez pas. Combien vous faites? Je veux pas me vanter.